One shot, l'album est toujours dans les poches. Je suis bizarre, y a un temps pour tout, c'est pas pour tout qu'on prend le temps. Donc je prends le temps faire ce que j'aime, mais c'est pas pour autant que je pose pas le pour et contre face au choix de mes armes. Mes armes se sont faites toutes seules, est-ce vraiment bizarre? Associe-moi à ceux qui pensent comme moi. Si chaque être est unique, c'est que dans le fond y'en a pas deux comme moi. Je fais avant de savoir comment faire le savoir-faire. Ma musique me guide comme un vrai frère. Mais dis-moi comment faire sans mon flair de chien de la casse. Je fais mon trou dans la passe, j'attends pas que l'on me fasse une passe. C'est sur le diable que je pisse, je me sers de lui que pour pister les mauvaises choses de la vie qui me pistent. Si j'insiste, c'est pour prévenir et nous guérir. Ne mords pas la main qui pourra peut-être te nourrir. Nos blessures se mesurent à la hauteur de la rancune. Je fais ce que j'ai à faire car une vie on en a qu'une. C'est le carnaval, Ray. Quand le diable ricane, mes frères se calment. Le chétan s'achète comme la cam. Certains l'acclament pour pouvoir exister. Car sans ça, bien sûr, ils ne peuvent exister. Me désister, mon cœur et mon esprit ne le veut pas. C'est dans l'obscurité que l'on avance pas à pas. Et ça me pèse, mes écrits m'apaisent quand je rêve d'évasion. À tort ou à raison, dis-leur que la peine est qu'à l'heure pour faire la guerre. Et je dors en raison. Beaucoup de tes braves m'ont perdu la raison. La musique est ma raison d'être. Je m'excuse pas d'être qui je suis. Si tu suis, c'est que tu sais qui je suis. Si je suis, c'est qui nous sommes. Ma foi me sert de boussole. Je rappe la rue, Ray, ce qui nous déboussole. Mes frères sont déboussolés. T'as one mic, fera mal au mic. MC, moi aussi j'en suis désolé. Ceux qui veulent jouer nos sons le joueront. Fini les enfantillages, car je sais qu'un jour on rendra tous des comptes. Les comptes font les bons amis. C'est souvent entre amis que se règlent les règles. Mon compte, c'est la rue qui nous forme. Les mois et les années fermes, muets comme une carte pour grève parce qu'on a dû faire le flair pour les enflures et leurs plans foireux. Chez nous c'est pas la foi, Ray. Heureusement qu'on a la foi. On les pèsera tous à la fin du film. Absensible, s'abstenir, c'est pour les règles qui savent tenir. Inspiration meurtrière, triée, survolée. Depuis tout jeune, Ray, on a toujours voulu voler. Nos propres ailes qui t'allaient brûler. Les flammes de l'enfer nous appellent. On reste authentique comme un rappel. Je t'appelle mon place, Ray, D-A-W-A. O-M-I-C, ça donne D-A-H-W-A.